Bien, nous poursuivons la lecture de l'évangile de Saint Matthieu qui va nous occuper tout au long de cette année. Cet évangile qui est le plus long des quatre et qui a occupé les premiers chrétiens, qui a été l'évangile préféré des pères de l'Église. Matthieu a écrit en s'adressant aux Juifs pour les conforter dans leur foi nouvelle dans le Christ. Et aussi pour leur dire que le Christ est celui qui vient accomplir les Écritures. Il est celui que les prophètes avaient annoncé. Et aussi parce que se posait le problème pour eux avec cette foi nouvelle de leur rapport avec la loi de Moïse, la loi ancienne. Matthieu donc a structuré son évangile en sept grandes parties, les évangiles de l'enfance, au début, la passion, la mort, la résurrection, à la fin, et cinq grands discours. Nous sommes dans le premier, le plus célèbre, le discours sur la montagne que nous lisons depuis trois semaines. Rappelez-vous qui a été inauguré par les Béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. La semaine dernière, il nous disait « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Et ce soir, donc, il fait ce commentaire sur la loi de Moïse. Et il nous dit qu'il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. L'accomplissement de la loi, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, c'est la charité. C'est-à-dire que toutes ces exigences, si élevées, sont impossibles à vivre sans la grâce de cet amour nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce sermon sur la montagne qui s'étend du chapitre 5 au chapitre 8, mais quand on le lit, eh bien, on se dit qu'on n'est pas encore chrétien. Et vous avez entendu ce soir les exigences très fortes, la pureté de la parole de Jésus, l'absolu de ces exigences. Eh bien, c'est peut-être dans la pédagogie divine de nous faire sentir pauvres et humbles devant ce que Jésus nous demande, pour que nous soyons justement mendiants de cette grâce qui nous permettra de vivre cela. L'accomplissement de la loi, donc, c'est la charité. Et saint Jean nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il s'agit de la charité agapé en grec. C'est une charité particulière, c'est la charité surnaturelle, c'est-à-dire qui nous est communiquée par la grâce, par l'Esprit Saint. Ce sermon sur la montagne est dans le genre littéraire de la didaké, ce qui veut dire l'enseignement moral. Mais la didaké suppose le kérigme. Et le kérigme, comme vous savez, c'est le message essentiel, le message de salut. Pour vivre cette morale, il faut d'abord avoir été sauvé ou vivre de ce salut. Prendre conscience que le Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification et que plongé dans sa mort et sa résurrection par le baptême, renouvelé dans l'Esprit Saint par la confirmation, eh bien, je participe à l'amour même de Dieu. C'est lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc, kérigme qui me fait vivre d'une vie nouvelle grâce au sacrement, par la grâce, et didaké, enseignement, qui vient authentifier que ma vie est nouvelle, que ma vie est transformée, qu'une loi nouvelle s'écrit dans mon cœur. Je me rappelle quand je me suis converti à l'âge de 24 ans, après une vie pas mal désordonnée, que cette effusion de l'Esprit dans mon cœur, quand j'ai reçu le pardon des péchés, m'a fait comprendre immédiatement, intuitivement, que je ne pouvais plus vivre comme je vivais avant. Et ce soir, Jésus nous parle de deux choses qui me paraissent saillantes, la chasteté et le pardon, qui sont les signes, je dirais, d'une vie qui est marqué par la grâce d'une vie renouvelée. La chasteté parce que l'effusion de l'Esprit nous fait prendre conscience que notre corps est un temple et que nous sommes faits pour vivre des relations vraies les uns avec les autres, hommes et femmes, les plus gratuites possibles. Que la chasteté, c'est l'intégrité de la personne, comme dit le catéchisme, pour l'intégralité du don. C'est-à-dire qu'avant le mariage, nous nous gardons d'expériences qui nous dispersent et qui pourraient nous blesser pour garder ce capital d'amour intact le plus possible pour qu'au moment du don total, eh bien, nous puissions en jouir et le donner totalement dans un don réciproque des époux ou garder cette affectivité, cette sexualité dans un don total pour la vie religieuse ou la vie sacerdotale. La chasteté est une écologie humaine. Toute la loi de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une espèce de système arbitraire qui nous tombe dessus comme une charge. Cette loi, comme dit le Deutéronome, elle est écrite dans ton cœur. Si Dieu est obligé de la rendre explicite, c'est parce qu'on n'est plus capable de la lire en nous. Cette loi, elle est dans tout le cosmos. Elle est l'expression d'un ordre qui nous précède, un ordre qui est inscrit aussi dans notre être et que les idéologies du genre, eh bien, s'emploient à nier. Mais nous sommes des êtres sexués, faits pour le don avec l'autre et ce don constitue l'image de Dieu. C'est pourquoi il est si attaqué d'ailleurs. Donc la loi n'est pas quelque chose qui vient nous frustrer, mais c'est la révélation encore une fois d'un ordre qui est inscrit dans notre être et dans l'univers, et si nous acceptons d'en vivre, comme dit la première lecture, eh bien Dieu nous donne une promesse de bonheur, d'harmonie, de vie en plénitude. Le deuxième point, c'est celui du pardon. Le pardon, au fond, la miséricorde que nous avons reçue d'abord gratuitement et que nous devons vivre avec les autres. Cela aussi est le signe d'une vie chrétienne vivante. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément en harmonie avec tout le monde, qu'on n'a pas encore des ressentiments qui nous grèvent, qui pèsent sur notre cœur, mais nous avons refusé de vivre selon la logique que l'on voit trop souvent dans le monde, des rapports de pouvoir, des accumulations d'amertume qui durcissent le cœur et qui mènent finalement à des déchirements, voire à des guerres. Nous voulons être des artisans de paix. Mais pour cela, nous avons besoin, encore une fois, que cette charité surnaturelle vienne réaliser des pardons en nous. Récemment, quelqu'un me disait comment il avait vécu une guérison plusieurs mois après ce qu'on ait prié pour sa guérison. Mais pendant tous les mois, entre la prière et sa guérison, il a cru dans cet acte de foi que Jésus allait le guérir. Et c'est la même chose pour le pardon. Nous pouvons vraiment décider de pardonner en Jésus-Christ. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Et ce pardon peut-être va prendre des mois ou des années à se réaliser. Mais un jour, c'est Jésus qui va venir pardonner dans ton cœur. Quand c'est trop difficile pour toi, quand tu es blessé trop profondément et même des fois superficiellement, le pardon est difficile à donner. Ce qui nous révèle que toute la loi, au fond, de l'Évangile, c'est de laisser Jésus vivre en moi. Toute la loi se résume dans cette formule que vous connaissez de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La loi nouvelle, c'est la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. C'est que, encore une fois, par notre nouvelle naissance et par cette vie d'union à Dieu qui ne cesse de grandir, nous permettons à Jésus de venir aimer en nous. Nous permettons à Jésus de venir pardonner en nous, de patienter en nous, d'espérer en nous. C'est lui qui vit en nous. Quelle merveille! Ainsi, c'est lui qui réalise cette loi. Lui-même qui l'a accomplie en donnant sa vie sur la croix, il l'a menée à sa plénitude. Puisqu'il a aimé Dieu et le prochain à la perfection. Et il nous donne cet esprit de perfection pour qu'il puisse vivre en nous. Alors, quelles que soient nos pauvretés, nos misères, quel que soit le moment où nous en sommes dans notre recherche de Dieu, nous avons cette certitude que par la foi, le Christ habite dans nos cœurs et qu'il ne cesse de grandir. Il suffit de lui ouvrir notre cœur dans la confiance. Amen.